الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل والنيات. فهذه كلمات أذكر بها إخواني بجيل ينبغي أن نكون معهم في قلوبنا وأن نكون معهم في عقائدنا وفي سلوكنا وعباداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا. اقتداؤنا بهم يجلب لنا السيادة والتخلق بأخلاقهم يأتي لنا بالقيادة وحبنا لهم يأتي بالسعادة. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité et l'exactitude et la pratique correcte, celle qui est selon les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va se rappeler d'une génération qui a marqué l'histoire de l'humanité, la génération des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette génération, il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane, à toute époque et à tout endroit, d'être rattaché à cette génération et de suivre cette génération dans leurs pas, dans leur voie et dans leur compréhension d'islam. Que notre croyance soit comme leur croyance. Que notre adoration soit semblable à leur adoration. Que notre comportement, que nos mœurs, nos qualités tendent vers leurs mœurs et vers leurs qualités. Et sachez que cette génération, le fait de les imiter et de les prendre comme exemple et comme référence apportera pour les musulmans la suprématie, la domination et l'autorité, et la tranquillité et le bonheur dans cette vie et dans l'autre. وَمَبْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ إِلَّا بِتَنَكُّبِهِمْ عَنْ مِنْهَاجِهِمْ وَطَرِيقَتِهِمْ يعني طريقتي ومنهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فألفنا الذل والمهانة وأصبح العز صعب المنال وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها وطمع فينا الطامعون وتنازع علينا الكفرة المشركون وتسابقوا لاستعبادنا وغزونا ونهب خيراتنا وإشعال الفتن بين أبناء أمتنا كما هو الواقع وكما هو الشاهد اليوم. Et l'état des musulmans aujourd'hui, déplorable dans lequel ils sont, est dû principalement au fait de l'éloignement de la voie des compagnons radhiyallahu anhum et de leur chemin et de leur pas. Et du fait qu'on s'est écarté de la voie des compagnons radhiyallahu anhum. Et la conséquence, on la voit tous les jours, c'est l'humiliation pour les musulmans, l'abaissement. Et la puissance aujourd'hui est devenue difficile d'accès pour les musulmans. Et les communautés se sont abattues sur nous comme s'abattent les affamés sur un plat. Et les gens se sont empressés pour piller, pour voler nos biens et pour prendre nos peuples en esclavage. Et pour mettre et allumer la fitna, la perturbation entre la jeunesse musulmane. وإنه لا ينجينا مما نحن فيه من بلاء إلا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا على طريقة ومنهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الجيل الذي قال الله عز وجل فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الجيل الذي قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس الجيل الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الجيل الذي قال فيهم ابن عمر رضي الله عنه لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره Et ce qui va nous sauver, c'est de revenir vers la voie, vers le chemin des compagnons radhiyallahu anhum, sur leur compréhension de l'islam, sur leur voie et le chemin qu'ils ont emprunté. Revenir sur leur comportement, sur leur compréhension globale de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de cette génération. Allah dans le Coran dit, les pionniers parmi les muhajirines et les ansar, et ceux qui les ont suivis à perfection, radiyallahu anhum wa radu anhum, ils auront la satisfaction d'Allah, et Allah est satisfait d'eux. Et Allah Azza wa Jalla a dit de cette génération, la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes les meilleurs, la meilleure génération suscitée aux hommes. Vous êtes les meilleures communautés suscitées aux hommes. Cette génération dont notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge et dit les meilleurs des hommes après les prophètes sont mes compagnons. C'est ma génération et ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Et Ibn Omar radiallahu anhu disait n'insultez pas les compagnons du prophète car un instant de la vie de l'un d'entre eux c'est mieux que les actions d'une vie de l'un d'entre vous. ولقد توعد الله عز وجل في كتابه من يتبع غير سبيلهم بالتخلي عن هدايتهم واستحقاقهم عذاب جهنم وساءت مصيرا يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Et Allah Azza wa Jal menace dans le Coran ceux qui empruntent une autre voie que la voie des compagnons, Allah les menace de les délaisser dans la guidée et de les punir d'un châtiment très douloureux. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran celui qui fait scission de la voie du prophète après que la vérité lui soit parvenue, et qui suit une autre voie que celle des croyants. Et la plupart des explicateurs du Coran ont dit il s'agit en premier lieu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la punition ? Nuwallihi ma tawalla. Nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné. Wa nuslihi jahannam. Et il tombera dans l'enfer. Wa sa'at masira. Et quelle mauvaise avenir, et quelle mauvaise destination. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية التي ينجو من يسير على منهاجهم ويهلك من يتنكب عنها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله يقول ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وفي رواية أخرى هي التي على ما أنا عليه وأصحابي رضي الله عنه. Et les compagnons du prophète sallam sont en premier lieu le groupe sauvé, Al-Firqatu Najiya, celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith en disant les gens avant vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 groupes, tous sont en enfer sauf une. Et cette communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 groupes. 72 seront dans l'égarement en enfer, sauf une. Les sahaba, ils ont dit, qui ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-jama'a, le groupe. Et dans une autre riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui suivent ma voix et celle de mes compagnons, radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'on retrouvera dans beaucoup de versets du Coran, dans beaucoup de hadiths, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam rattachent souvent la voix du prophète à la voix des compagnons. Pour attirer notre attention sur le fait que si tu veux comprendre correctement l'islam, comme il a été révélé au prophète, suis les pas des compagnons. Attache-toi à la compréhension des compagnons, radiyallahu anhu. فلهذا يكون الدرس اليوم إن شاء الله تعالى مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي الجليل هو حذيفة ابن اليمن فنقف مع هذا الصحابي في مناقبه وفي مواقفه العظيمة وفي بعض مواعظه رضي الله عنه فهذا الصحابي هو حذيفة ابن اليمان العبسي أبو عبد الله من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هو وأبوه واستشهد أبوه في غزوة أحد. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter بإذن الله sur la vie d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Hudhayfatu ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Nous allons nous arrêter sur ses qualités, ses vertus, manaqibuhu, sur mawaqifuhu, sur certaines de ses positions et certaines de ses attitudes qui montrent la valeur de ce compagnon, radiyallahu anhu. Et inshallah, si le temps nous le permet, si Allah Azza wa Jalla nous le permet, nous verrons بعض مواعظه. Nous allons nous arrêter sur certaines de ses exhortations et certaines de ses paroles dans lesquelles il y a beaucoup de sagesse à tirer. من مناقب هذا الصحابي الجليل اولا أنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وعدو النفاق والمنافقين ويظهر ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة قال علقمة ذهبت إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني الجليس فقعد إلي أبي الدرداء ونعم الجليس فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة قال أليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة ابن اليمان وقال أبو الدرداء أليس فيكم الذي أجره الله على لسان رسوله من الشيطان يعني عمارا عمار بن ياسر وأليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود فالمراد بالسر هنا هو ما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المنافقين وأسمائهم. Première qualité de ce compagnon radiyallahu anhum, c'était le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le confident de n'importe qui. Le confident de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'ennemi, Hudhayfa ibn al-Yaman était l'ennemi des hypocrites et de l'hypocrisie. Dans les hadiths authentiques, la plupart des hadiths qu'on va citer sont rapportés soit par Al-Bukhari ou Muslim, ou elles ont été authentifiées par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Al-Qamah dit, je suis parti au Sham. Je suis entré dans la mosquée et j'ai fait 2 rak'at. Et j'ai invoqué Allah de me donner une bonne compagnie. Et à mes côtés se trouvait Abu Darda, radiyallahu anhu. Sa dua a été exaucée. Abu Darda lui a dit, d'où viens-tu? Il lui a dit, je viens de Sham. Je viens de Kufa. Et Abu Darda, radiyallahu anhu, a dit, n'est-ce pas Al-Kufa qu'il y a le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Hudhayfa ibn al-Yaman. Il lui a dit, n'est-ce pas à Sham qu'il y a celui qui a été préservé et protégé du shaitan de par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Ammar ibn Yasir. Pourquoi? Parce que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu était le confident du prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné le nom de chacun des hypocrites de Médine. Parce que quand les musulmans étaient à Mecca, l'hypocrisie n'existait pas. Les musulmans étaient en état de faiblesse. Et les kuffars étaient en état de force. Il n'y avait pas besoin de montrer de l'hypocrisie. Par contre, à Médine, certaines personnes ont montré en apparence l'islam, mais au fond d'eux ont caché le kuffar. Il s'agissait des munafiqines. Et Allah Azza wa Jalla a révélé ces noms de ces gens au prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait la confidence à Hudhayfa ibn al-Yaman. C'est pourquoi qila li Ali radiyallahu anhu akhbirna an ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala an ayyuhum tas'alun qala Hudhayfa qala a'lamu ashabi Muhammadin bil munafiqin. Les gens sont venus voir Ali radiyallahu anhu, lui ont dit, oh Ali, informe-nous à propos des compagnons du prophète. Il dit, de qui voulez-vous que je vous parle? Ils ont dit, de Hudhayfa ibn al-Yaman. Ali radiallahu anhu a dit, il s'agit de celui qui connaissait le mieux les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad nashadahu Umar radiallahu anhu. Umar ibn al-Khattab. Wa ma adraka ma Umar al-Faruq. Qala ya Hudhayfa, أأنا من المنافقين؟ قال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مات أحد من المسلمين يسأل أحضر حذيفة للصلاة عليه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا شك فيه وأمسك عن الصلاة عليه خشية أن يكون من المنافقين. Regardez, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et on connaît tous Umar ibn al-Khattab, al-Faruq. Lorsqu'il marchait dans la rue, le shaitan passait par un autre chemin. Il est venu voir Hudhayfa ibn al-Yaman. Il lui a dit, je te supplie, je te conjure. Il a demandé avec insistance, est-ce que je fais partie des hypocrites? Ya Allahu Akbar. Il lui a dit, non. Et après toi, je ne donnerai plus aucune information et je ne témoignerai en faveur d'aucune personne. Et lorsque quelqu'un mourait à Médine, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, demandait toujours, est-ce que Hudhayfa a participé à la prière ou pas? La prière du mort. Si il avait participé, Umar participait. Et sinon, il ne participait pas, de peur que cette personne fasse partie des hypocrites. Et c'est ce qui aurait empêché Hudhayfa de ne pas participer à cette prière. وسأل رجل حذيفة فقال من نفاق قال أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. Un homme est venu voir Hudhayfa radiallahu anhu et lui a dit, c'est quoi l'hypocrisie? Il lui a dit, c'est que tu parles de l'islam et toi tu ne le mets pas en pratique. entre parenthèses. Al-nifaq, ma huwa al-nifaq? C'est quoi le nifaq? Al-nifaqu fi shar'i idhar al-islam wal khayr wa ibtan al-kufr wa shar. وسمي بذلك لأن صاحبه يدخل في الإسلام من باب ويخرج من باب آخر كما قال الله عز وجل إن المنافقين هم الفاسقون والفسق هو الخروج عن الطاعة وجعل الله عز وجل المنافقين شرا من الكافرين يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالمسألة ليست سهلة. النفاق c'est quoi le nifaq? Le nifaq c'est le fait de montrer son appartenance à l'islam en apparence mais caché au fond de la personne, caché au fond de elle, yani elle dissimule en son fond le kufr ou bien le shar. Et pourquoi on appelle le munafiqin munafiq? Parce qu'il rentre dans l'islam par une porte, mais il sort par l'islam par une autre porte. Et les munafiqs, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et on retrouve le sens de nifaq, c'est, il dit, les munafiqs sont les pervers. Yani, al-fasiqun. Et al-fasiq, c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah, ou qui sont sortis. Et les munafiqs sont pires que les kuffars. Allah Azza wa Jal dit, les munafiqs sont dans les bas degrés, au fin fond de l'enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Wa nifaqu naw'an. Nifaq i'tiqadi wa akbaru yukhriju sahibahu min ad-din. Wa huwa idhharu al-islam wa ibtanu al-kufr wal hiqdu 'ala al-muslimin. Il existe deux formes de nifaq. Il ne faut pas tout mélanger. Il existe un nifaq à la lumière des livres d'Allah et de la sunna du prophète et de la parole des gens de Ahl al-Sunna wa al-Jama'a. Il existe un nifaq akbar qui fait sortir la personne de l'islam. C'est celui qui manifeste l'islam en apparence, mais au fond de lui, il a le kufr. Il déteste l'islam, il déteste le Coran, il déteste la sunna et il déteste les musulmans. Toi et moi, on ne peut pas savoir que c'est un munafiq. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait qu'il y a ça au fond de lui. Et la deuxième forme de nifaq, c'est al-nifaq al-amali. Wa huwa wa hadha an-naw' la yukhriju sahibahu min al-islam. Wa huwa ma dhukira fi al-ahadith, hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min sifat al-munafiqin. كقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد خان أو أخلف وإذا تؤمن خان وقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا صلى الله العافية ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. La deuxième forme de nifaq, c'est le nifaq dans la pratique. Elle ne fait pas sortir la personne de l'islam, mais elle est très dangereuse. Et la personne doit faire tawba de cette hypocrisie. Et c'est le fait d'avoir des défauts qui ont été mentionnés dans le hadith. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les signes de l'hypocrite sont de trois. Lorsqu'il ment, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui donne le dépôt, lorsqu'on lui fait confiance, il trahit la confiance. Et aussi le prophète sallam dit, en parlant du plus haut degré de nifaq, du nifaq amali, qui ne fait pas sortir de l'islam, il dit quatre choses. Celui quatre défauts. La personne qui les a est un munafiq khalis, est un hypocrite pur, mais pas un hypocrite qui fait sortir l'islam. Et il aura toujours l'hypocrisie tant qu'il aura une de ses caractéristiques. La première, lorsqu'il parle, il ment. lorsqu'on lui confie le dépôt, il ne respecte pas. Et lorsqu'il donne son engagement, il ne le respecte pas. وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرْ Lorsqu'il en litige, il piétine la justice et la moralité. ثانياً Ça c'était une parenthèse, يعني, sur le nifaq. Pour ne pas dire n'importe quoi dans le nifaq. ثانياً يعني من مناقب حذيفة بن اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه بالمغفرة يقول حذيفة بن اليمان سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها منذ كذا وكذا قال فنالت مني وسبتني أي لتأخره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت حذيفة فقال من هذا فقلت حذيفة قال ما لك فحدثته بالأمر يعني بما وقع مع أمه فقال غفر الله لك ولأمك والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بالمغفرة استجاب الله له لأن النبي مستجاب الدعاء أو الدعوة. Parmi les qualités de ce compagnon, c'est que le prophète sallam a fait des invocations en sa faveur et en faveur de sa mère en demandant al-maghfira, le pardon. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des invocations en faveur de quelqu'un, ces invocations sont acceptés. Donc Hudhayfa et sa mère sont pardonnés de leurs péchés. Et ça, ça a été rapporté dans le hadith. Où le prophète, une fois Hudhayfa, sa mère a interrogé Hudhayfa, depuis quand Yani n'as-tu pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit depuis un certain moment. Elle l'a insulté et elle lui a fait des reproches. Parce qu'il sait... Il n'est pas resté avec le prophète. Donc il est parti. Il a fait le Isha avec le prophète. Le Maghreb. Et après le Isha, le prophète a entendu la voix de Hudhayfa. Il lui a dit, qui a-t-il? Hudhayfa lui a raconté l'histoire. Et le prophète lui a dit, qu'Allah te pardonne et qu'Allah pardonne à ta mère. ثالثا من مناقب هذا الصحابي الجليل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومجاورته له. Troisième vertu de ce compagnon, il est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est toujours en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ حُذَيْفَةَ أَوْ كَانَ حُذَيْفَةُ قَرِيبًا جِدًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّالِيَةِ Hudhayfa était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez que en écoutant les hadiths qui suivent, on va comprendre qu'il est très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Hudhayfa, sallaytu ma'a rasulillah, fa kana yaqulu fi ruku'ihi, subhana rabbi al-azim, wa fi sujudihi, subhana rabbi al-a'la. Qala wa ma marra bi ayati rahmah, illa waqafa indaha, fasa'al, wa la bi ayati azab, illa ta'awwadha minha. Hudhayfa, radiyallahu anhu, dit: je faisais la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le ruku', le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Subhana rabbiyal azim. Et dans le sujoud, le prophète disait Subhana rabbiyal a'la. Et Hudhayfa disait, il ne passait pas sur un verset de rahma sans qu'il demande à Allah azza wa jalla. Et il ne passait pas sur un verset de adab, de châtiment, sans qu'il demande la protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve qu'il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous rapporter ces informations. ويقول حذيفة رأيت رسول الله أتى سباطة قوم يعني المزبلة فقال وهو قائم ثم دعا بماء فأتيته فتوضأ ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. حذيفة dit une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti vers les ordures, les poubelles, et il a fait ses besoins en étant debout. Et حذيفة lui a apporté de l'eau Et le prophète sallam a fait ses ablutions et il a essuyé sur ses khufayn. Encore une fois, ces informations ne peuvent être données qu'à une personne qui est avec le prophète sallam. ويقول حذيفة أخذ رسول الله بعضلة ساقيه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين. حذيفة رضي الله عنه dit, une fois j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mis ses mains sur son muscle et sur le tibia. Et il a dit, ça, c'est l'endroit où le izar doit se trouver. Le vêtement du musulman. On parle bien de l'homme, pas de la femme. Hein? Le vêtement de l'homme, il doit être au niveau du tibia. Et le prophète m'a dit, si tu veux, si tu ne peux pas, à ce moment-là, descends. Et le minimum que tu puisses descendre, c'est au niveau des al-ka'bayn. Comment on dit al-ka'bayn ? La cheville. Et dans d'autres hadiths, le prophète m'a dit, ce qui est en dessous de Ka'bayn est en enfer, wal'iyadu billah. Et la punition est encore plus grave si la personne elle le fait khuyala, par orgueil. Elle laisse traîner son vêtement par orgueil. ويقول حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. حذيفة disait, lorsque le prophète sallam allait dormir, il mettait sa main en dessous, sa main droite, en dessous de sa joue, et il faisait la dua suivante. « Oh Allah, préserve-moi de ton châtiment le jour où tes serviteurs seront réunis, regroupés. » Même dans les moments où le prophète, on a vu, au moment où le prophète faisait ses besoins, au moment où le prophète dormait, au moment où le prophète faisait sa salat, Hudhayfa était là, il nous rapporte des informations du prophète sallam. « ويقول حذيفة كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية وكأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء أعرابي فكأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده فقال رسول الله إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه أي شيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده أي يد الشيطان في يدي مع أيديهما. Même pendant la nourriture, Hudhayfa était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, une fois nous étions assis avec le prophète et on a rapporté de la nourriture et personne n'a mangé jusqu'à ce que le prophète commence à manger. Ça, c'est le adab qu'on doit avoir lorsqu'on est avec des gens de science ou des gens plus âgés que nous. On les laisse commencer dans la nourriture. Et le prophète a commencé à manger. Et une fillette est venue. فَكَأَنَّمَا تُتْفَعْ. C'est-à-dire comme si qu'elle avait été poussée par quelqu'un. Et elle a mis ses mains. Et sans dire, elle a mis ses mains yarnées dans la nourriture. Et un bédouin est rentré. De la même manière. Il est venu comme s'il était poussé. Et il a mis ses mains dans la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris leurs mains. Il a dit, le shaitan se permet votre nourriture lorsque l'un d'entre vous mange et ne prononce pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis pas bismillah, shaitan ne participe avec toi dans la nourriture. Et il dit, le shaitan a envoyé cette fillette, il a envoyé ce bédouin, yani pour pouvoir manger de cette nourriture. Et le prophète jure par Allah, il dit, Wallah, je jure par Allah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Il dit, j'avais mes mains dans leurs mains, j'avais la main de Shaitan, et dans leurs mains, on avait les mains de la fillette et du bédouin. Ça ne l'a empêché de faire. Rabi'an, min manaqib hadha al-sahabi al-jalil, hirsuhu ala al-amri bil-ma'rufi wa al-nahi anil-munkar, وتعليم المسلمين الخير ويظهر ذلك من الأدلة التالية. Quatrième chose qui montre la valeur de ce compagnon رضي الله عنه, حذيفة ابن اليمان, c'est il était profondément attaché à l'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, à faire, à ordonner le bien et à déconseiller le mal. Ça, c'est une qualité des croyants. Mais ça doit être fait avec des règles, en respectant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était aussi soucieux, Hudhayfa ibn al-Yaman, d'enseigner aux gens le bien. Et tout ceci se dégage des hadiths qu'on va citer. Le premier hadith, Dakhala Hudhayfa al-Mastida, fa'ida rajulun yusalli. فجعل لا يتم الركوع ولا السجود فلما انصرف قال له حذيفة منذ كم هذه الصلاة أو منذ كم هذه صلاتك قال منذ 40 سنة فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير فطرة النبي صلى الله عليه وسلم أو على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل ليخف في صلاته وإنه ليتم الركوع والسجود أي يريد أنه إذا كان مستعجلا فليكن التخفيف في القيام والقراءة لا في الركوع والسجود فيؤدي ذلك إلى ترك تمامهما. Regardez ce hadith. Une fois, حذيفة رضي الله عنه se affare. حذيفة رضي الله عنه est rentré dans la mosquée. Il a trouvé un homme faire la prière et il ne faisait pas bien ses recours, il ne faisait pas bien ses sujouds. Alors Hudhayfa radhiyallahu anhu, lorsque l'homme est parti, il ne l'a pas laissé comme ça dans cet état. Et il lui a dit, depuis combien de temps tu accomplis la prière de cette manière? L'homme lui a dit, depuis 40 ans. Il lui a dit, depuis 40 ans tu ne fais pas la prière. C'est pourquoi il faut apprendre la prière. Sifatu salat in nabi sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière selon les hadiths authentiques radhiyallahu anhu. Les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, si tu meurs en faisant cette prière, tu vas mourir sur une autre fitra que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le mot fitra, entre parenthèses, en arabe, ou plutôt dans le Coran ou dans la sunna, parfois il peut prendre le sens de as-sunna. La fitra peut avoir le sens de as-sunna, la sunna. Parfois, al-fitra, c'est al-tawhid, ou al-islam ou al-din. C'est le tawhid, l'islam et le din. Comme Allah dit, fitratullah illati fatara an-nas alayha. Allah crée là les hommes sur le tawhid. Et parfois le mot, yani as-sunna, parfois le mot fitra, yani huwa sunnati illati ikhtaraha al-anbiya wa ittafaqat alayha al-shara'i'. Le mot sunna, parfois dans certains hadiths ou certains versets, il a le sens des sunna, des traditions que tous les prophètes ont fait et que toutes les communautés et toutes les législations se sont accordées. Comme par exemple, khisal al-fitra, les 10 points de la fitra, le fait de se raser la moustache, de laisser pousser la barbe, de faire al-madmada, al-muhim, le hadith de Aïcha et de Abu Huraira radiyallahu anhuma. Donc, il lui a dit cette parole, il lui a dit, Wallah, si tu meurs dans cet état, tu vas mourir sur une autre sunna que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, si l'un d'entre vous veut se dépêcher dans la prière, qu'il se dépêche, yani, dans le qiyam, quand on est debout, ou dans la lecture. Mais qu'il ne se dépêche pas, qu'il ne s'empresse pas, ni dans le rukou', ni dans le sujoud. On voit bien, il aimait enseigner aux gens le bien. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Deuxième hadith qui nous montre cela, يقول حذيفة إن الرجل لا يتكلم بكلمة بالكلمة على عهد رسول الله فيصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات لتؤمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتحاضن على الخير أو ليصحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. حذيفة dit, radiallahu anhu, il dit, l'homme à cette époque, à l'époque du prophète, disait une parole, à cause de cette parole, il devenait hypocrite. Et moi aujourd'hui, dans la même assemblée, la même personne l'a dit quatre fois de suite. L'ignorance, l'éloignement de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tu vas t'éloigner de l'époque du prophète, et plus les temps et l'état sera pire. Et il dit, vous allez ordonner le bien, et vous allez interdire le mal, et vous allez inciter les gens au bien, où Allah Azza wa Jal va vous exterminer tous avec sa punition. Ou comme autre conséquence, Allah va mettre pour vous des responsables parmi les pires d'entre vous. Et les meilleurs d'entre vous vont invoquer Allah et leurs dua ne seront pas acceptés. Vous avez vu ce hadith ? وَكَانَ حُذَيْفَ بِالْمَدَائِنِ فَجَاءَهُ دِهْقَانَ بقدح من فضة فأخذ فرماه به أي فرماه حذيفة فقال إني لم أفعل هذا إلا أني قد نهيته فلم تنتهي وأن رسول الله نهانا عن الشرب في آنية الفضة والذهب والحرير والديباج وقال صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Regardez, عجيب. Ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils répètent cette éducation avec les gens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans. Hudhayfa ibn al-Yaman était dans un endroit qui s'appelle le Madain. Et Dihqan, c'est yani un chef, une responsabilité, un responsable, une personne importante, est venu lui rapporter un récipient en or ou en argent. Hudhayfa l'a pris et l'a jeté. Elle a dit, je fais ça parce que plusieurs fois je vous ai dit que c'était interdit et vous ne voulez pas écouter. Et ensuite il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de boire dans les récipients, dans les ustensiles d'or et d'argent, et de s'habiller de soie et de brocart. Et le prophète a dit, ce sont leurs vêtements dans Dunya et ce sera les nôtres dans l'Akhira. Et il y a beaucoup d'autres yani manaqib, beaucoup d'autres yani qualités de ce compagnon radiallahu anhu qu'on ne peut pas citer aujourd'hui parce que le temps va très vite. Et maintenant on va s'arrêter yani fi mawaqif Hudhayfata ibn al-Yaman رضي الله عنه مواقف عجيبة سجل في التاريخ دروسا لمن يعني يريد أن يعتبر حذيفة بن اليمن nous a laissé dans sa vie des positions, des situations dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des enseignements et des leçons pour ceux qui veulent réfléchir et pour ceux qui za'ma recherchent des leçons et des enseignements. أولاً موقفه في غزوة الأحزاب. Sa position, son attitude pendant la غزوة la bataille de l'Ahzab ou غزوة الخندق. La غزوة de l'Ahzab. Les coalisés, les gens se sont coalisés, les Quraysh avec certaines tribus se sont coalisés pour combattre et en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça a été tiré derrière par les Juifs. Et Ghazwatul Khundouq, elle s'appelle aussi parce que c'est une ghazwa dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons ont creusé des tranchées sous le conseil de Salman al-Farisi. Wallahi, cette ghazwa en réalité, Inch'Allah, bi'idnillah, on en fera un jour un dars, tellement il y a des leçons à tirer de cette ghazwa. Intadaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hudhayfata lil qiyami bi'amaliyati استخبارية في غزوة الأحزاب في ظروف صعبة جدا. Le prophète sallam a envoyé Hudhayfa ibn al-Yaman pour une mission istikhbariya, rechercher des informations, pendant la ghazwa de l'Ahzab, dans un moment difficile. يخبروا عز وجل في كتابه بهذه الظروف الصعبة فيقول تعالى. Allah عز وجل, à la lumière du livre du Coran, nous explique la difficulté de cette ghazwa. Comment cette ghazwa était compliquée, était difficile. En réalité, que le verset du Coran nous suffit pour comprendre la difficulté du moment. Et je vous invite à revenir aux kutub de Sira, ou les kutub de Sunna, ou les kutub de Sihah, dans lesquels s'est expliqué cette ghazwa. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله جل في القرآن. Ô vous les croyants, souvenez-vous du bienfait d'Allah Azza wa Jal quand des troupes, les coalisées, sont venues. Et nous avons envoyé contre elle, contre ses troupes, un vent et des troupes que vous n'avez même pas vues. Et Allah Azza wa Jal continue de dire, « Wa kana Allahu bima ta'amaluna khabira » et « basira ». Allah Azza wa Jal est connaisseur de ce que vous faites. Et Allah Azza wa Jal continue, « Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum » ou « min asfala minkum » وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Regardez, subhanallah. Allah dit dans le Coran, et quand ils vinrent d'en haut et d'en bas, ils sont venus du sud, ils sont venus du nord, ils étaient 10 000, les musulmans étaient 3 000. Le nombre des gens de Ghazwat al-Ahzab était plus que les compagnons et que les habitants, les femmes et les enfants et les vieillards de Médine. Ils s'étaient mis d'accord pour détruire l'islam. C'est fini, on ne parle plus d'islam, on ne parle plus de Mohammed. C'est un mauvais souvenir. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal dit, il nous décrit la situation. Allah il dit, ils sont venus de en haut et d'en bas. Wazaratil absar. Allah Azza wa Jal il dit, et quand les regards étaient troublés, ils avaient peur. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرِ. Et que les cœurs, tellement ils ont eu peur, ils sont remontés jusqu'à la gorge. Tu vois, quand t'as peur, des fois, ça monte jusqu'ici, ta voix tremble. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَ. Et vous faisiez à Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants faisaient leurs suppositions et les hypocrites faisaient leurs suppositions. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Lorsque les hypocrites et ceux qui avaient dans leur cœur la maladie ont dit, ce que le prophète nous a promis, c'est que de la tromperie. La tête des munafiqin, Abdullah ibn Abi Musaloul, il incitait les gens à repartir. Plus de 1000 personnes ont délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient que 2 000 face à 10 000. Encerclés. Et les hypocrites disaient, ce que le prophète a promis, c'est que de la tromperie. Parce que le prophète leur promettrait, Allah va vous ouvrir telle contrée, Allah va vous ouvrir tel pays. Il dit, tout ça, c'est de la tromperie. Wa idh qalat ta'ifatun minhum, ya ahla Yathrib, la muqama lakum farji'u. Et lorsqu'un groupe d'entre eux ont dit, ne demeurez pas ici, retournez chez vous dans vos demeures. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. Et ils disaient, ils allaient voir le prophète et demander la permission de retourner chez eux, en disant, nos maisons ne sont pas en sécurité, alors que leurs maisons étaient en sécurité. En sécurité, sans protection. En réalité, comme Allah dit dans le Coran, « Iyuriduna illa firara » Ils ne voulaient que s'enfuir et se sauver. عددٌ كثيرٌ من الكفار يحيطون بالمدينة. Un très grand nombre de kuffar encercle Médine. خوفٌ وجوعٌ وبردٌ شديد. La peur, le froid, le vent, la faim, elle touche tout le monde, aussi bien, elle touche tout le monde. نقضت بنو قريظة عهدهم مع رسول الله. Les gens de Banu Qurayza ont délaissé le pacte avec le prophète. Ils avaient fait un pacte avec le prophète. ليضربوا المسلمين من خلف تعاونا مع جيش الكفار. En derrière, comme c'est la règle des juifs, ils ne changent pas à travers l'humanité, à travers le temps. Ils font des pactes avec les gens et derrière, ils rompent les pactes. C'est ce qu'ils ont fait avec le prophète sallam en faisant un pacte avec les kuffars. Et vous verrez à la fin, ils ont même délaissé les kuffars de Quraysh. Et à cause de ça, les kuffars de Quraysh sont partis. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Taraka al-munafiquna wal-ladina fi qulubihi marad ardu al-ma'raka bi-hujajin wa hiya za'imina anna buyutahum awra wa ma hiya bi-awra in yuriduna illa furura. Les hypocrites, ils sont encerclés les musulmans. À l'intérieur, les hypocrites, certaines têtes d'hypocrites travaillent et délaissent le champ du combat avec des excuses futiles, des arguments futiles. طال الحصار واشتد البلاء. Les kuffars, ils ont encerclé Médine pendant plus de 20 jours. Pendant plus de 20 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé les tranchées. Sulman Farisi avait donné cette idée de mettre des tranchées. C'était une ruse que les Arabes ne connaissaient pas. C'était une ruse qu'ils faisaient en Perse. Et quand ils l'ont fait, ils sont restés pendant 20 jours à encercler les musulmans. وفي وسط هذه الظروف قام حذيفة بمهنته تعالوا بنا لنستمع إلى حذيفة وهو يخبرنا الخبر بنفسه. Et dans ces moments très difficiles, حذيفة رضي الله عنه, le prophète l'envoie au sein des ennemis. Et Hudhayfa va nous raconter lui-même ces moments terribles et ces moments difficiles. Il dit Hudhayfa radiallahu anhu, et le hadith il est rapporté par Muslim et par d'autres imams du hadith. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خندق. Je vais essayer de traduire directement parce que le temps, malheureusement, il nous presse. Il dit, si vous nous aviez vu le jour de l'Khunduq, la bataille de l'Khunduq, فقام صلى الله عليه وسلم فصلى هويا بالليل من الليل. Le prophète sallam, dans ces moments très difficiles, il a passé la nuit fermement dans la prière. ثم قال, écoutez ce que le prophète sallam a dit, من يأتيني بخبر القوم اشتريت له الرجعة أو الرجعة وأضمن له الجنة. Qui va chez les ennemis et nous ramène des informations, je lui promets qu'il va revenir vivant et je lui garantis le paradis. فقال حذيفة. Écoutez ce qu'a dit حذيفة. Wallahi, nous on dit Zahma, si c'était ça, on serait levé tout de suite, on serait parti. Regardez les hommes, les compagnons du prophète, c'était des hommes. Qu'est-ce qu'il dit حذيفة? فما قام أحد من شدة الجوع والبرد والريح. Il n'y en a aucun qui s'est levé à cause du froid, de la peur, du froid, de la faim et du vent. وقال حذيفة, et le prophète a continué à faire la prière. Et il a encore dit aux gens, من يأتينا بالخبر أشتريت له الرجعة وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. Le prophète il monte un peu en degré. Il dit, qui va me ramène l'information des gens? Je lui promets qu'il reviendra et je lui promets qu'il sera avec moi au paradis, en ma compagnie au paradis. فقال حذيفة فلم يكن يقوم أحد منا من شدة البرد والجوع والريح. Aucun d'entre nous s'est levé parce qu'il faisait froid et tout le monde avait faim et le vent sifflait. فقال حذيفة فلم يقم أحد فقال رسول الله قم يا حذيفة. يقول حذيفة فلما دعاني لم يكن لي بد أن أقوم. حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة دي prophète a dit à Hudhayfa, Hudhayfa, lève-toi. Il a dit, voilà, quand le prophète m'a dit de me lever, je n'avais pas que d'autre solution que de me lever. Voilà, c'était des hommes. Nous, on n'arrive même pas à aller faire la prière de l'Fajr à la mosquée. En été, il fait 30 degrés, on a la voiture, et même la mosquée, elle est à 20 mètres de la maison. Wa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهَبْ فَأْتِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تُحَدِّثَنَّا حَتَّى تَأْتِيَنَا. Il lui a dit, va et donne-nous des informations du peuple et ne donne ça, ces informations à personne. فَخَرَجْتُ وَأَنَا شَدِيدُ الْبَرْدِ فَلَمَّا مَشَيْتُ فِي حَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَأَنِّي أَمْشِي فِي حَمَّامِ لَمْ أَجِدِ الْبَرْدِ الَّذِي يَجِدُهُ النَّاسِ فَأَتَيْتُ الْقَوْمِ وَدَخَلْتُ فِيهِمْ وإذا بأبي سفيان يقول ويقوم ويقول يا معشر قريش لينظر امرؤ لينظر كل واحد من جاره. قال حذيفة فبادرت بيدي الذي بجنبي فقلت من أنت فقال فلان ابن فلان. حذيفة est parti dans le froid, dans le vent. Il dit, dès que je suis parti pour faire ce que le prophète m'a ordonné de faire, c'était comme si j'étais dans un hammam. Il faisait très bon, très chaud. Le froid n'existait plus pour lui. Il a dit, je suis rentré en plein milieu du camp des Kofars. C'est pas facile, mes frères. Wallah, c'est pas facile. Et il y avait Abu Sufyan, qui à l'époque encore était kafir et qui était le chef de camp des Kofars. Et Abu Sufyan, elle a dit que chacun d'entre vous regarde qui est à côté de lui. Et Hudhayfa, il a compris. Il a dit, j'ai demandé à mon voisin avant qu'il me demande qui es-tu. Il lui a dit, je suis un tel, fils d'un tel. Il a rusé. Faqala Abu Sufyan, ya ma'ashara Quraysh. Il a dit, oh Quraysh, wallahi ma baqiya lana huna maqam. Laqad akfa'at ar-rih qudurana, al-qidr, yani al-burma. Wa adfa'at narana wa hadamat khiyamana. Wa qad balaghana 'an bani Quraydha nuqad al-'uhud. ما نكره إنهم لم يفوا بعهدهم بالحرب معنا فارتحلوا فإني رحيل. Abu Sufyan s'est levé, a dit, oh peuple, oh gens, wallahi, on n'a plus rien à faire ici. Le vent a renversé la poussière dans nos marmites. Le feu avec lequel on se réchauffait, il s'est éteint. Nos tentes sous lequel ils dormaient, elles se sont retournées. Et Banu Quraïda, les juifs de Banu Quraïda, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas respecté le pacte avec nous. Il a dit, wallah, partons, il n'y a plus rien à faire ici. Et moi, je m'en vais. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبَرُ وَقَالَ تَعَالَى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Et Hudhayfa, je retranche certains événements puisque le temps est court. Hudhayfa رضي الله عنه est revenu. Parce qu'entre temps, il voulait tuer Abu Sufyan, il s'est dit, la flèche elle est là, mon arc elle est là, juste je tire et je le tue. Mais il a dit, le prophète m'avait dit de rien faire, donc je ne fais rien du tout. Et il est revenu voir le prophète, il l'a informé de ce qui s'était passé, que les kofars sont partis. Et Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, a descendu le Coran qui nous explique cette situation. Il dit, et Allah a renvoyé avec leur rage, ils avaient la haine, les infidèles alors qu'ils n'avaient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Il n'y a pas eu besoin de combattre. Allah a envoyé son junoud et son rih. Les anges et le vent. C'est chargé d'eux. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah Azza wa Jal est fort. Allah Azza wa Jal est puissant, subhanahu wa ta'ala. On voit là la position de Hudhayfa ibn al-Yaman. مَوْقِفُهُ فِي غَزْوَةِ أُحُد. On va voir maintenant la position de Hudhayfa pendant la razwa de Uhud. vous connaissez tous la ghazwa de Uhud qui a eu lieu après ghazwa de Fath. يقول عائشة رضي الله عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت مع أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه وكان مسلما فنادى أي عبادي أبي أبي قالت عائشة فوالله ما احتجزوا أي ما تركوه حتى قتلوه وهم لا يعرفونه فقال حذيفة غفر الله له ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع لحذيفة دية أبيه قال حذيفة لقد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك الخبر خيرا عند رسول الله إِنَّهُ مَوْقِفٌ عَجِيبٌ مِنْ صَحَابِيٍ جَلِيمٍ. Deuxième position dans la vie de Hudhayfa qui montre la valeur de ce compagnon. Wallahi, mes frères, je vous invite tous, que nous on a eu des positions pour notre religion dans notre vie. Regardez ces hommes, radiyallahu anhu. Il dit, Aïcha nous dit, lorsque les associateurs furent mis en déroute de manière évidente pendant la bataille de Uhud, Iblis cria « Oh, gens, ceux qui sont devant, qui reviennent derrière, et ceux qui sont derrière, reviennent devant. » Et ça, c'est tout, tout s'est mélangé. Et les gens, ils ont commencé. Hudhayfa a vu les gens tirer sur son père. Il a dit « C'est mon père, c'est mon père. » Mais les gens ne le voyaient pas avec le trouble de ce qui s'était passé. Et ils l'ont tué. Et Hudhayfa leur a dit « Ghafar Allahu lakum. » Qu'Allah vous pardonne. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner diya, le prix du sang, parce que son père, le père de Hudhayfa, est mort, Hudhayfa radhiyallahu anhu, je donne, il a dit je donne en sadaqa la diya de mon père, le prix du sang de mon père. Regardez ce compagnon radhiyallahu anhu. Mawqifuhu thalith fi ghazwati Badr al-Kubra. Hudhayfa radhiyallahu anhu a aussi participé, entre parenthèses, à Ghazwat Badr. En réalité, il a participé à toutes les combats du Prophète sallam, les batailles du Prophète sallam, sauf yani fi Badr. On va comprendre pourquoi. Yaqulu Hudhayfa, ma mana'ani an ashhad Badran illa anni kharajtu ana wa abi Husayn. فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا قلنا ما نريده نريد المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فرسولنا الكريم لا يعرف الغدر والخيانة ولقد ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. Troisième position, c'est la position de Hudhayfa pendant la bataille de Uhud, de Badr al-Kubra. Ils étaient, yani, lui et son père Hudhayfa et son père Husayn étaient dans, avec les kuffars de Quraysh et ils ont voulu partir vers Médine. Et les kofars ont dit, on ne vous laisse pas partir. Parce que vous allez rejoindre le prophète et vous allez nous combattre à Badr. Il lui a dit, Wallahi, il a dit, je vous jure que nous allons partir à Médine. Ils ont dit, on ne va pas vous laisser jusqu'à ce que vous nous donniez votre parole et le pacte que vous allez repartir à Médine. Ils ont donné leur parole. Et ils sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont expliqué la situation. Eux, ils souhaitaient participer à la ghazwa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, restez. Ne venez pas avec nous pour respecter votre engagement. Et on demande l'aide d'Allah contre eux pendant la ghazwa d'Al-Badr. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas la trahison. Ne connaît pas la trahison et les ruses. Et il a éduqué ses compagnons radhiyallahu anhum sur ses qualités. Ceci dit, lorsque j'ai regardé le sharh de ce hadith, les savants expliquent que dans le harb, al-harbu khida'a, le harb, c'est une khida'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, leur a demandé de respecter son engagement. Mais si un musulman peut être dans une situation, il ne va pas cacher cette information et délaisser les musulmans. Il doit participer. Et il faut revenir sur ça, sur l'explication du hadith apporté par les savants, rahimahumullah. Amma, on va s'arrêter là, inshallah. Je voulais revenir sur certaines mawa'id, très rapidement, sur certaines mawa'id de Hudayfatu ibn Yaman, mais on aura d'autres occasions, inshallah, de le faire. C'est pourquoi, mes frères, il faut au moins imiter ces gens. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, il fera partie de ce peuple. Et le poète disait tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbaha bil kiram falah. Ressemblez-leur si vous ne pouvez pas les imiter, les si vous ne pouvez pas être comme eux, car le fait de les imiter est déjà un succès et une réussite en soi. C'est pour ça qu'il faut revenir sur la croyance, sur la voie, les pas, la compréhension des sahaba radhiyallahu anhum qu'ils avaient de l'islam. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.